J'écris sur la vie dans le ventre de l'imaginaire. Un autre texte. Elle va parler d'amour avec sa bouche du dimanche. Et puis, comment vous trouvez ça, Madame Thibodeau? La petite Gaétane Brisebois que j'adore. On va en parler tout à l'heure, OK? C'est parfait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et les autres, bienvenue à mon émission Errance. Hey, mon Dieu Seigneur, c'est pas beau, hein? C'est pas beau. Okay. Aujourd'hui, le lundi 17 avril 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Gatekeeper. Jasmine. Comment se passe ce souffle si précis du début de l'émission jusqu'à la fin? Ben là, on peut pas le savoir avant la fin, là, hein? On n'est pas des précurseurs, quoique. Il y en a quelques-uns d'entre nous. Puis quand je parle fort, c'est bizarre, ça plafonne pas en haut, là. Est-ce que c'est normal, docteur? Montre-le un petit peu, là, t'es capable. OK, mais là, descends-le, parce que la garnotte est rouge. Alors ici, c'est de la technique, hein? Et comme je le dis souvent, la technique, on fait ça avant l'émission, pas pendant. Ah, mais ici, c'est pendant, tout est pendant. À mon âge, tout est pendant. Ah, on ramasse après. Ah, on ramasse des petits chemins qu'on laisse traîner sur le bord de l'eau. Aussi des petits cailloux, pas des cacahuètes, mais des cailloux, pour nous retracer le chemin que l'on a parcouru du début jusqu'à maintenant. Et souhaitant que le maintenant ne soit pas la fin. On sait jamais que tout peut arriver. Tout peut arriver, rien n'est cloisonné. La vie nous appartient, comme je le dis régulièrement, mais on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et c'est ça le plaisir de la chose. C'est comme une émission de radio, c'est comme un spectacle. Tu t'en vas voir un spectacle. Quand c'est du vivant, c'est pas du mort. On ne sait jamais. Tu sais, il y a 3 points de suspension. Puis là, les points de suspension, moi, je mettrais ça gros, là, comme... Hein, comme disait ma petite fille, gros comme la lune. Est-ce que c'est gros, la lune? Je mettrais ça gros comme la lune, oui. Mais là, il faudrait 3 lunes, parce que c'est des points de suspension. Mais elle ne connaît pas encore ça, elle est tout petite. Elle va avoir bientôt 5 ans. Elle me fait des dessins. Moi, je te le dis, là, c'est ma nouvelle, c'est la nouvelle Picasso. Puis là, on connaît uniquement Picasso, mais elle embrasse du Riopel. Puis en parlant de Riopel, on va rendre hommage là, au théâtre à ce grand bonhomme. Donc, c'est une histoire à suivre. Quelque part dans le Vieux-Québec, parce que je peux pas le dire, là, je peux pas faire de la publicité. J'ai pas le droit de publicité. Mais non. Publicité, ah, quand tu nous torves le corps, le cœur et l'esprit, t'es torvé. T'es dans le sens de malaxer de l'intérieur. C'est pas quand t'as un peu trop mangé, ça te torve pas. Non, ça fait mal. Ça fait mal à votre corps, à votre cœur d'animal. Puis à votre corps, à votre estomac. Quoique moi, j'ai l'animal qui commence à gratter le mercredi. Le jeudi, là, je sens qu'il vient me chercher la chair vive, tu sais. Puis le vendredi, là, j'y vois le regard, les oreilles, puis les dents, là, sans parler des moustaches qui me disent « On y va! » Et là, le samedi, on est dedans. Le dimanche, on essaye de s'en sortir. Et le lundi, on le met en cage. Pour que le mercredi, il commence à nous titiller. C'est ça, la vie. En tout cas, pour certaines personnes. Sinon, comment ça va? Votre vie actuellement, là? Oui, il y a des moments difficiles. C'est pour ça que je suis errance rénaldienne. C'est pour ça que je suis à CKRL depuis belle lurette. Et croyez-moi que Belle Lurette aussi souffre quelquefois de la luette. Et elle chante cette belle mélopée. Au chant de la luette, je veille et je dors, j'écoute la luette et puis je m'endors. C'est pas celle-là. Et puis sinon, hey, écoute, je sais que dire « hey », faut pas être trop directif quand on fait de la radio. Il faut parler au peuple en général. Ben, non, il faut pas l'appeler « peuple ». Auditeur, auditrice, bonsoir. Il est maintenant minuit et quelques secondes. 14 minutes, juste. Arrête de me stresser, toi là, on va manquer de temps. Puis ça, comment ça on manque de temps? Pourquoi on dit ce terme-là? Il manque de je peux pas rentrer dans mon temps. Ben là, c'est sûr, là, tu parles de Yves Montand. Ben non, Montand, le temps. Je ne peux pas rentrer dans mon temps à moi, dans ma chronologie, là, dans les chiffres, hein, dans l'heure que je me suis préparé mentalement de faire et j'y parviens pas. On dirait que ça bloque. Il manque des secondes, il manque des minutes et quelquefois, il manque des heures. Non, non, il manque des heures. Il manque des heures dans la vie en général. Il y en a des imbéciles partout, hein? Ils sont pas juste dans les livres, dans les œuvres théâtrales, oui, ou au cinéma. Ils sont dans la vie tous les jours. Quand ils commencent à te parler d'argent, tu sais, oh, l'argent. Now to the best, to the best, cut it down. So bring it up, to the top. Wenn es nicht so schaurig wär, sind's nicht traurig, aber würde lachen ohne End. Ich möchte einen sehen, der dann noch lachen kann, sobald es in der Hose brennt, ja, ja. Es ist nicht einfach zu gerichten, wo und wie, jedoch geschehen ist dies letztes Jahr. Und wenn ich heute noch am Leben wäre, ich könnte mir zeigen, wie es wirklich war. Wir steigen ein, die erste Klasse sitzt bereit, der Bewahrer soll den Kopf bezieht. Eine Dame ohne Herrn, ein König Flex, nein, rapid to the beat. Ich überprüfe nicht, dann kann ich Spur von schüchtern, ob der neue Akte farblich passt. Wäre mir bewusst, wie es nun weitergeht, ich hätte andere Pläne wohl gepasst. Ja! Was haben wir tun? Wo ist mein Porsche im Duel? Mais le foin, c'est juste du foin. Il y en a qui seraient prêts à en manger de leur argent. Manger l'argent, on manque d'argent, on manque d'argent, on va draguer, l'argent gouvernement, on le sait. Quand tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Et ta voisine te dit, ah, écoute, je reste à la maison, j'écris un livre. Maman, t'écris un livre? Sur quel sujet? Oh, je peux pas en parler. On dirait que je vends la mèche. Ah, non, tu vends rien. Me vendrais-tu un petit peu de beurre? Parce que je l'ai oublié au supermarché. Et comme je veux pas y retourner, tu sais, c'est au moins 15 minutes, m'y rendre, aller le chercher à la caisse. C'est combien de temps attendre à la caisse? Combien de temps à la caisse? Un supermarché, un gros supermarché, combien de temps? Au moins une demi-heure. Pour une petite livre de beurre. Peux-tu m'en passer, tu sais, deux petites noisettes, j'aime ces petites noisettes, moi. Oh oui, les petites noisettes d'amour, oh les petites noisettes toujours, oh les petites noisettes, les petites noisettes, deux ou trois noisettes, si t'es généreux, c'est trois noisettes. Moi, t'as la remettre. Moi, t'as acheté une livre de beurre. Une belle livre de beurre, là. Et puis, oui, merci. Ah, tu me donnes le reste de... T'en manges pas, toi. Pour ta silhouette, écoute bien, là. Il faut pas s'intéresser à ton corps, mais à ton esprit et à ton intelligence. Si tu présentes quelque chose de d'attirant, on va pas aller voir plus loin, là. Quoique, on peut aussi. Mais je te dis que ce qui est gagnant, c'est quand tu me parles, puis tu viens me chercher. Pas me chercher pour me parler, mais quand ton discours m'hypnotise et que tes mots me rendent aussi intense que l'orateur que je connais si bien et qui monte devant son micro pour commencer à parler à une foule qui n'en a rien à cirer d'un seul mot qui tirera de sa bouche, mais qui arrive quand même, par son attraction, par son savoir discourir et sa fougue, il arrivera toujours à écorcher le cœur de son public. Merci. Et je vous conseille fortement de voter pour Gaétan Brisebois, qui travaille très fort pour sa municipalité. Oui, nouvelle municipalité dans le coin de Charlevoix, les Trois-Cooks. Oui, c'est en fait une petite paroisse de 8 habitants. Pas d'église, juste des habitants. 8 habitants, 4 maisons. Et puis là, en plus, eux, là, ce qu'ils veulent, c'est vivre ensemble puis agrandir le coin. Là. Puis plus tu agrandis, plus tu deviens fort. Plus tu deviens fort, plus tu peux donner ton point de vue. Plus tu peux donner ton point de vue, plus tu peux offrir aux gens qui y habitent quelque chose d'intéressant. Mais là, ils sont pas beaucoup au début. Là. Depuis quoi? Ça fait combien? C'est ouvert depuis 2 mois. Bon, c'est quand même pas si mal, 2 mois, là. Puis on voit que ça veut foisonner, ça foisonne, ça va exploser, j'en suis sûr. Mais le problème, c'est que j'ai dit combien? 8? J'ai dit 8, oui. Ils sont 5 filles, 3 gars. 5 et 3, 8. Hein? 5 moins 3, 2. Ça veut dire 8. Hein? En tout et partout, ils sont 8. Et puis, là, le problème, c'est ça. Ils veulent faire des enfants uniquement entre cette municipalité-là pour pouvoir avoir des racines profondes. Mais c'est pas des frères et des sœurs, là. Non, c'est pas des oncles, des tantes. Ils se connaissent pas. Ben, ils se connaissent pas. Ils se connaissent. Mais c'est pas le même sang. C'est ça que tu veux savoir, c'est pas le même sang. Ben non, aie pas peur, toi. Allez, auditeur, auditrice de CKRL, ne craignez rien. Tout est selon les conventions et les mœurs de notre époque, en 2023. Nous froisserons personne. Nous dérangerons aucune anomalie, philosophique ou même éthique. Oh non, jamais. Notre but n'est pas de brusquer, mais c'est de consentir à ouvrir un peu plus cette municipalité-là qui sera, dans quelques années, j'en suis sûr, la plus solide, la plus fondatrice, la plus enracinée dans un Québec qui deviendra un jour, un Québec indépendant. Merci. Alors, mais là, je... Ah, mais c'est sûr que la petite coque au soleil, ça déchauffe, hein, Mario? Ben, chaud, Mario. On peut l'air. Ah, je l'ai dit. Je vais enlever mes loafers, comme ça on va éclairer un peu le peuple. Non, enlève pas tes loafers, ça fait lever le vernis de sa guitare. Ok, 3, 4. Hey, c'est sûr que c'est plate quand ton 7-up est flat, mais ta boîte à l'homme, j'ai plein de pareilles. Grosse lunette, mais ça a l'air que tu vois plus clair. Hey, come on, mon gars, et donc pas peur des débarques. T'as ben plus de nose dans ton jeu de cartes. Mais ma chou de whisky de frette passe pareil. Même avec des chaussées double frette passe pareil. Ouais. Les étoiles brillent pas plus fort à Bethlehem. Ta lampe de poche éclaira pas plus même à Bay James. Même en sous de Skidoo, le fret de pose pareil. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y'a donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? Hey, c'est André Veillette, ça? Hey, là, la génératrice! J'enragisse! As-tu vu ça? Le serviette de Saint-Narcisse. C'est un manque de service. Enfin, ça brille, ça sent l'été, c'est beau, c'est chaud, y a du soleil. Chez mon voisin, y a du soleil. Chez nous aussi, sur CKRL, c'est toujours ensoleillé. Allez voir 89.1, là, c'est tout le temps le rayon de soleil. C'est un cadeau du ciel dès qu'il est avec nous. Ça change tout. Qui chante ça? Ça va vite là, hein? Vous avez pas vos, hein? J'espère que vous avez enlevé vos pneus d'hiver. C'est fini.

Gaston! Gaston, je t'aime pas, si tu prêt? Mais! Mais! Non, écoute, on est rendu là, Rosaire de Roy est placé, son piano est là, c'est correct, tout le monde là! Mais il n'y a pas de temps de tu commentais des prix dans la neige, mais neige pas, mon Gaston! C'est ton téléphone! Ok, hey Gaston, le téléphone qui sonne, mais il n'y a personne qui répond, mon Gaston, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Viens-toi, Marie-Antoinette, mon insignifiante, ouais! Ouais! La main qui tombe pousse, on est quoi, une quarantaine? Puis là, le monde, c'est quoi, elle va appeler, puis j'en veux, les tombe pousse! On aime ça, les tombe pousse! Ça n'existe plus, mais on en veut! Reconstitue-nous, le tombe pousse! Mais! On a passé d'olives, enlève les olives, là, c'est pas important! Mais! Ok! Hey, ouais! Rosaire, ok, Rosaire vient d'arriver, c'est parfait, merci! J'ai trop rêvé dans ma jeunesse. Aujourd'hui je lance des SOS. Et je fous ma bouteille à la mer. Je cherche amour, beaucoup de tendresse. Câlin partout, beaucoup de caresses. Ciel toujours bleu, bisous, ça presse. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver. S'abstenir si par gentillesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Je me revois encore dans les nuages. Des grands bateaux, des paysages. Des formes longues, des grandes plages, c'était mon seul livre d'images. Je cachais mes rêves dans mon cartable, entre mes livres et mes crayons. Des mots d'amour sur toutes les pages, j'ai pas grandi, je suis dans le coton. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Mais où ils sont, ce que j'attends? Depuis que je mange plus de sucre d'orge. Quelque part avec des enfants, c'est peut-être ça leur île au trésor. Je voudrais voler vers le soleil avec tous ceux que j'aime qui m'aiment. Voler plus loin que le gris du ciel, du côté où la vie est belle. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des amis, plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. là, là, la vie est là, tout près de toi, juste ici. Là, là, la vie est là, tout près de toi, juste ici. Tu la ravis, tu la regardes, tu lui demandes comment vas-tu. Comment vas-tu, la vie, la vie? La vie se passe comme tu le veux. Comme tu le veux, la vie te dit. Ta vie te dit ce que tu peux. Tu peux comprendre ce qu'il y a à dire. Mais si tu dis pas que la vie te veut, la vie, la vie, la vie c'est ça. La vie tu la cherches entre toi. La vie, la vie, la vie c'est ça. Si tu la veux, tu dois la mériter. Ah, la vie est une source d'incertitude. Comment la piger, comment la comprendre, comment y parvenir jusqu'à ce lointain personnage qui se cache en nous, qui vibre tout le temps. La vie, ah la vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un sourire. Ah. La vie. La vie, c'est la vie. On la vit comme la vie doit nous le dire. On ne doit pas aller trop loin. Sinon, on se perd. Moi, je me perds. Quand je vois trop loin, je me perds. Moi, je me perds tellement que quand je marche tout seul dans la rue, je me perds. Puis il y a des gens qui me regardent, qui se disent comment ça, qui est comme ça. Il est anormal. Mais non, mais j'ai peur, moi. J'ai peur de la vie, moi j'ai peur de la mort, là. Mais j'ai peur de tout ce qui veut nous retenir. Oui, mais tu sais, très cher ami, que la vie a une importance capitale. Il te parviendra un jour dans le cortex cérébral, un moment où tu sauras. C'est un rouvain, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en pince pour cette hippopotame, avec elle j'ai des prix de gros. Ah quel suspense, soumis mon popotame, avec un dé comme dans Vasimodo. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, même au-dessus, je me sens bien dans sa peau. J'ai pas une mince affaire, l'hippopotame, avec un dé comme dans Gigolo. Lorsqu'elle me confie mon hippopotame, entre ses groseilles à macro. Puis elle se rince vite fait l'hippopotame, avec un dé comme dans lavabo. Elle redevient princesse hippopotame, elle me refile mon petit cadeau. C'est un Rubens, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si je me pince pour l'hippopotame, c'est avec elle j'ai des prix de gros. C'est un Rubens, c'est une hippopotame, avec un dé comme dans Marshmallow. Et si j'en pince pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. Ah, quel suspense sur mon hippopotame, avec un décon dans vos émeraudes. Les ressorts grincent sous l'hippopotame, mais au-dessus je me sens bien dans sa peau. C'est pas une mince affaire, cet hippopotame, avec un décon dans gigolo. Lorsqu'elle me coince mon hippopotame entre ses deux groseilles à macro, puis elle se rince vite fait l'hippopotame avec un décom dans le lavabo. Elle redevient princesse hippopotame et me refile mon petit cadeau. C'est un Rubens, c'est une hippopotame avec un décom dans Marshmallow. Et si j'en pince pour cette hippopotame, c'est qu'avec elle j'ai des prix de gros. Eh oui, tout en douceur, tout en tendresse, tout en humanisme, mon amie Aïcha Touré, auteur, compositrice et interprète, la talentueuse Aïcha Touré. Lorsque j'étais gamine, mon père fumait des gitanes et j'admirais sur le paquet bleu la légèreté de cette femme qui dansait libre en fumée. Et je rêvais que moi aussi j'étais cette femme qui dansait une gitane, qui dansait la la la la, légère comme la la la la, qui dansait la la la la, légère comme la la la la. Lorsque j'étais gamine, dans mon petit pays, un cirque a débarqué. C'était le festival, excitation suprême, bonheur inexplicable. Trapèze, monocycle, jonglage, gag, équilibre, barbe à papa. Et je rêvais que moi aussi, un jour, je m'en irai danser de l'équilibre en chapiteau, en chantant la la la la, légère comme la la la la, en chantant la la la la, légère comme la la la la. Cette vie magique, mes rêves me jouent leur tour du souvenir. Ils me déroulent le tapis rouge des songes bleus de mon enfance. Ils me promènent en caravane et me rappellent cette gitane. Et je danse la la la la, légère comme la la la la, et je danse la la la la, légère comme la la la la, et je danse la la la la, légère comme la la la la, et je danse la la la la, légère comme la la la la. Et je danse la la la la, légère comme la la la la. Mais c'est pas une gimmick, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout le temps pour toi, oui, mais pas. Hein? Tu dis que ça fonctionne, oui, oui. Mais c'est pas une recette. Non, j'ai pas, je n'ai que la recette pour moi. Ouais, c'est fait. Ça, exactement. Je peux pas dire aux autres, c'est non, que... non. Moi, je n'ai que ma recette, en fait. Que je fais juste ma cuisine et chacun fait sa cuisine pour traverser la vie. Mmh. Et on mange des plats communs, comme on, des fois on est au resto. Là, en fait, oui. Là, on a même pris des plats différents, oui. Tu vois. Et moi, c'était de la viande. Voilà. C'est ça. Et c'est ça la vie, en fait. On cuisine, on s'arrange, on fait. Ah oui, ah oui. J'ai l'impression. Je vais te laisser lire la carte. Oui. Il n'y a pas de crème brûlée. Hey, j'en ai mangé une à la boîte à pain ici. D'accord. Exceptionnelle. Ah oui. Oh. Et c'est vraiment aussi. Je vais aller voir tout à l'heure s'il leur en reste. Mais ça part très rapidement. D'accord. Et qu'elle est bonne. Ah bon. Bon, ben non, je m'attendais à autre chose. Ouais. Aïe. Bon, non, rien. Il n'y a rien qui me donne envie, en fait. Soit c'est trop... Mais c'est vrai qu'une crème brûlée, là. Ça suffirait, oui, oui une petite crème oui. brûlée. C'est très sucré, moi qui oui, adore oui. le sucrage. Oui. C'est très sucré. Et en même temps, c'est raffiné. D'accord. C'est oui. raffiné. En tout cas, là-bas, c'est... Tu iras voir avant de partir, s'ils en ont. D'accord. Oui, c'est okay. la boîte à pain. OK. Peut-être qu'ils sont fermés, on est mardi, mais en tout cas, il faudra. Est-ce qu'il y a des titres sur le deuxième album, comme on a dit, que tu n'as pas encore trouvé la façon de, oui. de présenter ça sur scène? Est-ce que tu veux y travailler? Ou, Oui, je vais le travailler. Ben là, je les joue quasi tous, sauf peut-être... Bon, il y en a un que je n'aime pas. Je l'ai mis, mais je ne l'aime pas, donc je ne le jouerai pas. Tu l'aimes sur le disque, mais tu ne l'aimes pas sur scène? Non, sur le disque, j'ai hésité à le mettre parce que je trouve qu'il n'était pas bien terminé. Puis je me suis dit, bon, allez, mets-le, tu l'as quand même bossé et tout. Donc je ne le jouerai pas. Et puis il y en a un que j'aime qui s'appelle Suis-moi. Oui. Que je joue pas encore parce que je n'ai pas trouvé encore comment le faire sur scène. Sinon, les autres. En fait, non. Non, je pensais qu'il y avait des crèmes brûlées. Ah non. Non. Un petit café peut-être? Ah oui, je veux bien. Ouais. Un express. Un express, oui. Non, merci. Mais donc, as-tu pensé aussi de faire des chansons qui n'aboutissent pas à Capella? Oui, ça pourrait, oui. C'est beau. Ça pourrait, oui, oui. Ça pourrait être la chanson de la fin. Tu finis avec une chanson à Capella? Oui, ça pourrait aussi. Pourquoi chercher des instrumentations quand... C'est vrai. Quand la voix est là. Oui. Est-ce que tu y avais pensé ou... Pour... mais en fait, c'est encore ce... Je n'ose pas lâcher mon accordéon, ah ouais, avoir okay. ce soutien-là derrière moi. Ah ouais, parce que encore. Tu te sens très dénudé. Voilà, c'est ouais. ça. Je ne me sens pas encore forte. À ce point-là. Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais, ouais. C'est comme un vêtement. Je le fais chez moi, mais comme en perdant un petit peu des moyens en arrivant sur scène, ouais. j'ai moins l'aplomb, alors que chez moi, je le fais. Et quand j'arrive, je me dis non, je m'accompagne. Mais quoi que l'aplomb, pendant le spectacle, ça va, tu commences à avoir le contact avec le public. Oui, donc oui. ta dernière chanson pourrait se faire sans accordéon et tu es déjà dans... Oui. dans l'énergie. Ben, c'est sûr que tu pars pas avec ça, mais tu peux terminer avec ça. C'est ça, oui, c'est vrai. Tu déposes l'accordéon et ensuite tu te présentes. Oui, oui. Il y a des chansons où je pose l'accordéon et quand il y a le musicien, le guitariste qui accompagne, par exemple, déjà mais là, je me très à l'aise. Hein? Mais déjà, je me sens très nue. Ouais. Et il faut vraiment que ça va faire partie du prochain travail de enlever ce bouclier là. Ça, j'allais dire le mot bouclier. Effectivement, j'allais dire le mot bouclier. C'est vrai que c'est quelque chose qui est rassurant, c'est comme une guitare. Voilà, c'est quelque chose c'est entre ça. Toi et le public. Voilà, oui. Quand tu l'enlèves, c'est comme si tu recevais des énergies. Oui. Hein? Mais c'est pas anodin. Hein? Oui, oui. C'est pas anodin. C'est pour ça qu'il y a des musiciens qui veulent tout le temps garder la guitare, même s'ils grattent deux, trois petites. Oui, oui. Mais c'est quelque chose de peut-être d'ésotérique. À... C'est que c'est un vrai soutien en même temps. Harmonique et tout ça, donc ouais. en fait qu'on enlève, il n'y a que nous ouais. là, face au monde. On soutient tout. Voilà, c'est ça. Est-ce que du premier album, il y a des chansons que tu peux chanter? Oui. Les chansons qui étaient un peu légères et rigolotes, parce que souvent c'est celles-là qu'on me demande, ah. Ça tiraille. Mais pourquoi tu ne veux plus faire des chansons un peu plus... Non, je veux bien les faire, mais j'ai l'impression, en fait, cette pochette-là aussi, j'ai fait exprès d'avoir un visage très dur. Parce que c'est fatigant quand tu mets fait des pochettes ou quand tu as des concerts, on te met en commentaire, t'es belle. Alors que tu présentes ton travail, soit parle-moi de ma musique, dis-moi je viens ou je vais pas, mais je suis belle, je n'y suis pour rien. On est dans un monde oui, où on montre son image et je ne serai pas belle, je serai pareil. Quoi. Je veux dire, en fonction de ton goût, je suis belle. Et je suis peut-être pas pour d'autres, mais en fait, c'est agaçant de recevoir ce message-là. Et j'ai remarqué que les gens, en fait, sur les chansons qui étaient un peu des chansons d'amourette un peu légères, ont tendance à laisser la femme dans cette position-là, dans cette position-là parmi tout le répertoire qu'il y a. Il y en avait plusieurs, en fait, et c'est celle-là. Il y avait deux chansons qui étaient un peu rigolotes comme ça, que souvent on me redemande et ça me saoule, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Parce que t'es pas juste ça. Voilà, c'est ça. Ou tu veux plus être juste ça. Et c'est pas une question d'être ça, non. Je racontais, ça tiraille à chaque fois que tu vois du blanc, moi je vois du rouge. Quand tu vois du rouge, je vois du rose. Quand tu montes, je descends. Quand tu te lèves, je me couche. On est décalé, en fait. C'était une histoire comme ça. Ça tiraille de tous les côtés, ça tiraille. Et... c'est pas forcément moi. Et en fait, ce que je chante, merci, c'est mesdames. Pas forcément moi non plus. C'est juste une situation. Une situation n'est pas ce qu'on est. Non. C'est une situation à un moment et qui est peut-être passée ou qui reviendra ou que j'ai peut-être observé ailleurs. Et donc, chanter... Et voici. Et je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Qu'on me demande ce titre-là ou... et une autre chanson qui s'appelle « Ici, là ou ailleurs ». Parce que quand je la jouais en live, je racontais toute une histoire qui durait 10 minutes avant de chanter la chanson. Donc c'est ces 10 minutes-là qui racontaient une amour un peu légère. Et donc voilà ce qu'on me demandait aussi. Et en fait, c'est vrai que c'est rigolo, c'est chouette. Merci. De cette chanson-là, ce que tu aimes moins, c'est la longue histoire qui amène la chanson. J'aime cette histoire-là, mais je n'aime pas qu'on me demande à cause de ça. Okay. Parce que je fais l'étranger, je vois que l'étranger, ça touche beaucoup les gens. Et que ça parle d'autant plus. À chaque fois que je la joue, l'étranger, y a toujours quelqu'un... qui a vécu ça dans sa famille, que ce soit même quelqu'un de que ce soit les Italiens, que ce soit les Africains, que ce soit d'autres gens encore. Une fois, il y a quelqu'un ça arrive qu'il y ait des gens qui pleurent et qui viennent me... Te voir. Je suis plus touchée, pas par le fait qu'ils pleurent, par le fait que raconter une histoire te touche, que... peut-être que je suis plus... De toute façon, ça touche de la même manière, que ce soit léger ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus profond. Je suis plus intéressée à toucher les gens en profondeur qu'en surface. Voilà, c'est ça. Oui. Et j'ai l'impression qu'avec les chansons légères qui sont faites pour danser, que je fais volontiers à la fin du concert, pour ramener, après avoir plongé un peu dans les abîmes, on va revenir et on va se lâcher. Et... Charlie Couture disait qu'il y avait trois sortes de musique. Oui. La tête, le cœur et les pieds. Voilà, c'est ça. Fou, hein? C'est ça. C'est vrai. Charlie Couture. Eh bien, il y a tout ça dans ce que je fais. Et c'est peut-être que quand je fais des belles chansons qui vont au cœur, peut-être ça m'ennuie qu'on me demande des chansons pour les pieds. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que je sais que ça va on va y arriver. Ouais. Mais Mais est-ce que éventuellement tu envisages de faire, parce que comme tu disais, puis c'est vrai, je regarde des vidéos où on te voit sur scène, de faire un album en spectacle? Oui, pourquoi pas? En fait, c'est tout envisageable, mais je n'ai pas... Ça serait bien. Oui. Ça serait une bonne idée, mais pour ça, il faut bien bosser, bien tourner beaucoup avec son équipe. Avec les deux disques, plus des nouvelles chansons, peut-être uniquement pour ça. Oui, ça serait une bonne idée. Ouais. J'ai pas envisagé, mais. Oui, oui, très bonne idée. C'est une bonne idée. À mettre dans un tiroir, oui, oui. Et les garder entre ouverts. Et pour ça aussi, il faut être prêt. C'est pas 3-4, on va en enregistrer. Non. Il faut avoir un spectacle, oui, qu'on a tourné, oui, et qu'il soit bien rodé, oui, pour pouvoir faire une captation. Oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est pareil. C'est des... Moi, en ce moment, c'est vrai que je tourne, mais je tourne beaucoup seule parce que ben, les gens n'ont pas les budgets. Voilà, c'est ça. Donc, enregistrer seul avec mon accordéon, ça. Ben non, je voudrais que ce soit enrobé. Mm. Mais oui, parce que moi, je ne suis pas instrumentiste. Je m'accompagne. Donc, je trouve que ce n'est pas si intéressant que moi. Ça, je sois à l'accordéon, alors que je suis pas. Je suis comme quelqu'un qui s'accompagne en plaquant les accords sur sa guitare. Et je ne suis pas une instrumentiste. Avec toute ma tendresse, avec toute ma maladresse, avec toute ma détresse, avec tout ce qu'il me reste, je te regarde partir sans te retenir. Je te regarde partir sans te retenir. Mes faiblesses, avec toute ma paresse, là assise sur mes fesses, et même si cela m'affecte, je te regarde partir, tout découvrir. Je te regarde partir, tout découvrir. Je te souhaite un bon voyage, de construire un monde à ton image, de voir les plus beaux paysages et marcher pieds nus sur les plages, d'élever bien haut tes antennes et capter tous les messages, de te servir de ton intelligence, ton cœur, ton âme et ta conscience, ton corps, ton esprit et tous tes sens, et d'aller dans toutes les directions, et quand même fais attention. Attention. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ou même 10 000 pieds sous terre, quelque part dans le néant, se trouve le point mémoire, le croisement de nos histoires. On s'est laissé passer sans rien retenir. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ou même 10 000 pieds sous terre, quelque part dans le néant, se trouve le point mémoire, le croisement de nos histoires, où on s'est laissé passer sans rien retenir. La vida sigue su curso y en alguna parte allá en la nada se encuentra ya en la memoria el cruce de nuestra historia, donde nos dejamos ir sin nada retener. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ton instrument, donc, fait avec une boîte de saumon? La senza. Ou de sardine, une boîte de sardine. Oui, hein? Oui. Comment t'appelles ça? Une senza ou une kalimba. Senza, OK. Kalimba. Ouais, OK. Et t'en as plusieurs? Oui. Ouais. Oui. Et c'est un ami qui les fabrique? Oui. Et ça n'existe pas dans le... dans un magasin de musique. Si, si, ça existe. Okay. Mais celle-là avec les... Avec les... Sardines, là? La sardine. Ouais. De toute façon, là, je crois qu'ils n'ont même plus le droit. Parce que je crois qu'ils sont, ils ont des problèmes avec les fabricants de boîtes de sardines. Ouais, des... Non. Donc non, parce que avant ils en vendaient dans les, il y a en bas là, il y a les, ouais, les... Ouais. Il y en avait en boîte de sardines, ouais. Et justement c'est ce son là que j'aime et j'en cherche. Et il y en a, mais pas en France. Donc et moi, ouais, j'ai besoin de tester pour entendre le, ouais, son. C'est pas, mais... juste tu m'envoies un truc sonore et ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce qu'ils ont des problèmes avec les fabricants de... En France, oui, ils ont arrêté. Donc, soit ceux qui... La boîte, ils ont plus les gens pour faire les boîtes, c'est ça? Non, je crois que les gens qui fabriquent les boîtes de sardines, ouais, les attaquent. Okay. En fait, je pense, hein, si j'ai bien compris, okay, c'est qu'on n'a pas le droit de faire un instrument et de le revendre dans le commerce avec un matériel, je pense. Pourquoi? Ben, tu peintures. Hein? Tu peintures. Tu peins sur la, voilà, boîte. Oui, c'est ça. Ben alors, ah, oui, je pense que là, ils enlèvent le... Ok, ouais, l'étiquette. Voilà, ouais. Oui, parce que ça fait de la publicité. Oh, je sais pas. Mais toi, partout, veulent faire de la publicité. Ben, eux, c'est, pas, c'est dommage, ça leur fait, ben de, oui, la pub. Ben oui. Enfin, bon. Ah, mais il y a des, enfin, gens qui sont... mais je dis ça, mais j'en sais rien. Ok, tu sais pas, t'as entendu parler. Je suis pas sûre à 100%. Okay, c'est pas une information, okay, donnée par un journaliste. Je suis allée dans le magasin et j'ai demandé, vous n'en faites plus avec des boîtes de sardines, ils m'ont dit non, on a des problèmes avec les... Okay. Voilà. Okay. Donc du coup, je ne sais pas d'où, quel est vraiment le problème. Et, ouais, moi, j'ai supposé que... C'est fou. Alors, j'ai supposé, donc peut-être je dis vraiment, tu sais, ça c'est de l'information bidon. Il faut peut-être aller en Belgique pour se les acheter. Ben, si quelqu'un pourrait m'en faire plus comme ça, mais plus le revendre dans le commerce. Oui. Et là, je vois les gens qui les font comme ça, ils ne sont pas forcément en France. Et voilà. Puis ton instrument, il commence à vieillir, c'est pour ça que tu en veux un autre? Non, c'est qu'ils sont limités. Là, il est en sol erré, moi j'en veux en d'autres tonalités, okay, pour pouvoir, okay, jouer d'autres, oui, choses. Autre chose, ouais. Voilà, oui. Ouais. Sinon, à chaque fois, il faut que je le réaccorde. Et c'est un peu long, oui, c'est que très long. Voilà, oui. Non, c'est très et long, ça veut, hein, dire que si je change l'accord, je peux pas le réaccorder en concert, quoi. Je garde ça en concert parce que je peux pas ça là pour le réaccorder en concert, c'est trop long. Et je me rappelle du moment où on s'est vu quand tu as fait ton spectacle, il y a un enfant qui a voulu jouer. Oui, c'est ça. Et il y a des moments magiques comme ça. Oui, hein, oui. Il y a des moments où on capte la réalité et ça donne quelque chose de touchant. Mm. Et là, tu lui expliquais comment ça fonctionnait, puis oui. La grand-mère était un peu gênée. Puis, attends, on oui, s'en va, bon, ouais. C'est ça. Mais écoute, t'es prête à recevoir ça? Mais bien sûr, un enfant, il n'y a rien de plus magique. C'est un vrai cadeau. Les enfants, de toute façon, ça, j'invente rien. C'est des cadeaux, ouais, vraiment de la vie. Et quand un enfant te fait déjà le cadeau de t'écouter? Oui, de venir vers toi et de... Ouais. De s'intéresser et, ouais, nous, vieux enfants que nous sommes, ouais, et on a déjà pris tout ça, nous, ouais. On n'a qu'à leur montrer, en fait, c'est juste notre rôle, en fait, c'est, on, ouais, on peut pas tourner le dos comme ça à un enfant. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, quand j'entends des gens qui me disent « j'aime pas les enfants », mais ils doivent beaucoup souffrir. Oui, hein, oui, c'est ça vient parce d'eux, que... Ouais, c'est vrai, ouais. On est tellement j'ai une chanson comme ça où je dis je suis un enfant devenu grand, voilà. Ouais. Comme un enfant devenu grand, ah ouais. Il y a où je parle du fait que j'ai quitté mon pays et ça s'appelle Depuis le temps. Ouais. Et régulièrement je dis comme un enfant devenu grand. Je quitte et à la fin je dis comme un enfant devenu grand, je m'assieds dans la rue sur un banc. Et comme un enfant devenu grand, je quitte les saisons sans aucune raison. Ah oui. Et je parle des saisons de la vie, en même temps des saisons de l'Occident, quand on arrive et qu'on, ouais, est africain et qu'on a froid. Et je fais le parallèle entre la vie des enfants en Afrique, ah ouais, et la vie en Europe, que nous on joue dans le sable, la terre ou à la plage, et ici on joue dans la neige. Et c'est une chanson que j'avais faite pour cet album-là et que j'ai pas trouvé comment l'arranger. Et ah, sûrement, ouais, il sera dans le prochain. Es-tu nostalgique de ton pays? Est-ce que tu t'ennuies souvent? Non. Avant, oui, j'ai eu très longtemps été nostalgique. Oui, pendant longtemps, j'ai eu le blues, oui. Ouais. Vraiment, et ça durait beaucoup. Et, mais plus maintenant. Pourquoi? Je sais pas, c'est parti. Je ne sais pas, et peut-être parce que... Il n'y a pas un moment déclencheur où ça s'est dissocié? Je crois que c'est juste le temps. Ouais. Le temps qui fait que y a des choses que... Mais ça, c'est, je pense que ça devait être un des plus gros chagrins que j'ai dû avoir, oui, parce que j'ai eu longtemps le blues. J'ai jamais eu le blues autant, même pour une rupture amoureuse, mais là, ça a duré vraiment beaucoup d'années. Mais quand tu y retournes, c'est comme si tu venais d'aller. C'est comme si tu Je suis chez moi. Mais quand je suis ici, je suis chez moi. Puis quand tu repars, là, tu n'as plus ce genre de déchirement-là. Si. OK. Et quand je reviens, Le blues se réinstalle. Non. Mais c'est moi. En fait, je crois que j'ai l'impression de trouver d'être bien parce que j'ai l'impression de revenir vraiment à un état que je suis vraiment très dans le présent. Okay. Donc je vis chaque chose bien et chaque moment. Ici et maintenant. Voilà. Ici et maintenant. Ici, je suis chez moi, je suis bien. Quand je m'en vais, je prends l'avion, j'ai pas envie de partir. Ouais. Et puis quand j'arrive, je suis contente. Hey, moi aussi. Voilà. Moi aussi, parce que c'est beaucoup de travail de partir. Voilà, oui. Puis quand tu y es, ben, c'est t'es content, comme... et puis ouais. Tu croises les gens que tu aimes, c'est vrai, et c'est tu vis les moments, et puis au moment de partir, tu dis, oh, je serais bien resté un peu plus. Oui, puis et t'as pas envie. Une fois que t'es revenu, tu dis, oh là, ça, je le referai plus, parce que voilà, c'est tellement. Oui. Et tu le refais. Voilà. Donc, ben, ça prouve que pour moi, c'est exactement ça le bonheur. Mais c'est totalement que... sain, c'est vrai. Oui. Je pensais à ça récemment, ce matin. Oui, oui. Voilà. Là, je regardais les billets pour le mois de juillet. Ça a augmenté de 40%. Ah oui? Oh là là. 40%. Ben ouais, ça ne m'étonne pas. Quoi. Là, c'est un passé si bien. Est-ce que je vais diviser ça uniquement en une année ou au lieu de faire venir deux fois par année? Parce que c'est moi qui paye tout. Là. Oui, oui. Puis moi, je travaille dans une épicerie. D'accord. Je ne suis pas fonctionnaire. Mais d'accord. Puis je veux aussi travailler à ma retraite. Oui, oui. Je veux ramasser des sous pour ma retraite. Oui. On a le même âge. Ben oui. En tout cas, la dernière fois, on a parlé. Et heureusement, ça n'a pas enregistré. Mais il ne faut pas avoir peur de notre âge. Non, je n'ai pas peur de mon âge. Non, mais je dis ça de même pour tout le monde, là. Parce que ça témoigne de quelque chose, ça témoigne de la continuité de ce qu'on est devenu. Je suis heureuse de ce que je suis, et c'est... Et on les fait pas, surtout. Et peu importe, et c'est... En tout cas, c'est parce que j'ai cet âge-là, que j'ai cette paix-là, que je n'avais pas à 30 ans, non. Mais vraiment pas. Non. Le temps témoigne de ce que l'on est. Et j'ai aussi tout ce parcours-là, et c'est parce que j'ai mon âge que je m'en fous, en fait, et que j'ai pas d'attente. Non, c'est vrai. Mais quand tu vois ta fille, est-ce que tu te vois à travers elle? Non. Non? Elle est tellement plus sage et plus intelligente que je lui souhaite... Est-ce que tu lui dis? Est-ce qu'elle le sait? Ah, elle le sait. Okay. Elle le sait. Elle n'est... Je me vois pas du tout. Je me voyais pas aussi... Épanouie? Aussi belle que je la vois. Eh ouais. Est-ce qu'elle te ressemble? Sans doute, hein? Je parle de... Quand je parle de beauté, je parle jamais de physique. Non, mais je te parle... Est-ce qu'elle te ressemble au niveau de voir la vie, au niveau de... Pas du tout. Okay. Je crois qu'elle est vraiment à un autre niveau que j'ai l'impression, en fait, quand on fait les enfants, ils sont nous et plus encore. Ouais, okay. Et ils ne sont pas que nous, ils sont nous plus. Plus, ouais. Plus tout ce qu'il y avait avant. Ah, donc ouais. Ils ont tout l'inné qui leur est offert. Et en plus, ils ont leur époque qui leur. Ils sont encore plus. Donc ils sont. C'est pour ça qu'on souvent on dépasse nos enfants. Ouais. Si on les accompagne correctement. Moi, je disais à ma fille, même ne serait-ce que scolairement, je lui disais, moi, j'ai pas fait de longues études. Là, tu me vois très intelligente, mais tu vas vite me dépasser. Tu vas te rendre compte. Ouais. L'Occident qui me harcèle et me martèle, Ma tête sans tête a chanté la mélodie d'ailleurs. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Traversée du désert pour la mer, petite croisière embarcadère. Vue de la mer, il n'y a pas terre. Terre ou pas terre, tu n'as pas pied, pas pied, pas pied. Hein. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Le travers, c'est que pour traverser, il faut s'endetter de sa vie, hein. C'est la loi de chacun son sort. Tant mieux pour toi si tu t'en sors. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. C'est plus que du courage qu'il faut pour te mesurer au désert et à la mer. Faut que tes rêves soient vraiment forts, que sur ton radeau tu défies la mort. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Tu penses aux ancêtres qui bien avant ont quitté leur terre violemment. Vu de la mer maintenant, rien n'a changé, rien n'a changé. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et je chante l'air de l'étranger qui veut changer sa condition sans condition. Et mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama, aïe mama. Avec cet accent de l'Occident, laisse-moi te demander pardon. Si vu de là-bas t'as vu qu'ici, la vie serait meilleure pour toi. Si vu de là-bas t'as vu qu'aussi, tout ça en valait bien le prix. Et en fait, arrivé un moment, je ne pouvais plus rien lui expliquer. Ouais. Je lui ai dit, moi, tout ce que... voilà, je lui ai dit, moi, tout ce que je peux te dire, c'est je vais t'apprendre à apprendre et à faire tes devoirs. Ouais. Et à un moment donné, tu vas vite te débrouiller toute seule parce que déjà, moi, j'aime pas l'école, ouais. J'ai pas fait long feu et je n'ai pas envie de passer faire tes devoirs parce que je ne faisais pas les miens déjà. Okay. Tu vois, donc... Mais t'étais tellement... Non, mais oui, oui. C'est bien. Oui, oui. Et je dis, moi, pour avoir été un mauvais élève, je peux juste apprendre à apprendre en perdant moins de temps. Donc je lui disais, si t'aimes pas l'école, écoute les profs, c'est 80% de tes devoirs. Si t'aimes pas l'école, prends des notes. C'est, et voilà, t'as carrément fait 100%. Quand tu reviens, c'est les doigts dans le nez. En 10 minutes, tu fais tes devoirs, c'est réglé. Donc, si t'aimes pas l'école, ne redoute pas. Il va pas te mettre près du radiateur parce que c'est ce que j'ai fait et j'ai et j'y ai passé encore plus de temps. On a donc, voilà, je lui ai dit... Toutes les erreurs qu'il faut voilà. Et comment apprendre? Je lui ai fait des méthodes pour apprendre. Au départ, quand elle était petite, je lui faisais des BD. Pour apprendre ces cours d'histoire, on faisait des mini BD, voilà, au départ. Et je lui dis, après, tu n'auras même plus besoin des images, tu les feras dans ta tête. Ah, ouais. Et tu vas voir, tu vas vite apprendre comme ça. Mais c'est vrai. Oui, elle a appris à une vitesse. Et des fois, elle arrivait, je lui dis, mais tu as fait tes devoirs? Oui, je dis, mais tu n'as même pas ouvert. Ben oui, mais ils sont faits. Ah oui, je ne sais pas l'école. Voilà. Oui, et puis et ça marchait. Elle a été brillante et elle continue. Et je lui dis, on m'aurait dit tout simplement ça, j'aurais fait des études, voilà. Tu aurais aimé être ta mère, ta propre mère, quand tu étais enfant? Je sais pas, je pense pas, non. Non, mais tu aurais pu te montrer des choses, tu aurais pu... Peut-être j'aurais aimé qu'on me guide un peu plus, être moi ma mère, je sais pas. Nous-mêmes, avec nous-mêmes, on n'est pas si cool que ça, je sais pas. Ah, j'ai 10 questions. Oui. Si tu étais un liquide? La dernière fois, je t'avais répondu quelque chose, mais là, je pense que j'aurais été... Non, parce qu'en fait, j'ai dit quelque chose qui était très particulier, mais qui, là, c'est à peu près la même chose, parce que j'adore la mer. Okay. Et j'aurais été la mer, et moi, je t'avais dit le liquide amniotique. Ouais. Et en fait, c'est une sorte d'océan, mais à l'intérieur d'un humain. Okay. Et pour moi, la mer, c'est encore plus... C'est la même chose à l'échelle du monde, quoi. À l'échelle de la Terre, on va dire. Ouais. Et du monde, s'il y en a... Alors, tu serais la mer. Oui, parce que pour moi, la mer, c'est vraiment l'endroit où on me dépose et tu m'entends plus. Ouais. Je passe des heures, des journées à la mer sans problème. Contemplative. Ah oui, oui, je reste sur la plage et... Et tu reçois le dialogue avec l'eau. Ben surtout, j'ai l'impression que ça me nettoie. Je n'ai rien besoin de faire. J'arrive, je repars, je suis bien. J'arrive, je sais pas, n'importe qui va mal, on met à la mer, c'est une thérapie. Tu le poses quelqu'un à la mer, j'ai l'impression que c'est un médicament naturel. Ah ouais. Physiquement, en se baignant dans l'eau, ça purifie, ça soigne plein de choses dont on ne se rend même pas compte. Et apparemment, même l'eau de mer, on s'en sert pour des transfusions sanguines. C'est la même, c'est comme en fait beaucoup de gens pendant la guerre qui avaient perdu du sang. On leur transfusait de l'eau de mer. Oui, donc en fait, la mer, je pense qu'on détruit aussi encore aujourd'hui. Il y a tout dans la nature pour nous faire du bien. Et on la détruit. C'est exactement ça qu'on va détruire, en fait. On s'auto-détruit en détruisant notre environnement. Qui a été fait pour que tout ça rentre. Mais s'assassine. Voilà, mais peut-être c'est aussi un cycle dans lequel... lequel on est et qui est plus fort que nous parce qu'on doit passer par là et disparaître. Peut-être c'est juste aussi ça. Okay, la fin. Fin. Comme il y a des fins de plein de choses et des renouveaux, donc peut-être ça ne sert à rien de lutter, et qu'il faut accepter aussi ce déclin. Ce dénouement. Voilà. D'accord. Ben, pour nous, les dinosaures avant nous, et puis je sais pas si c'est si macabre que ça, parce que je pense que quand on sera plus là, on foutra bien la paix à la Terre, et elle sera un peu contente de plus nous avoir. On va se reposer sans elle, malheureusement. Si tu étais une ville? Après, j'ai pas de... Moi, je peux être... Je sais pas ce que j'avais dit, par contre, je pense pas avoir une ville où je me dis je veux être une ville, en fait. C'est pas... Tu es ta propre ville. Je ne sais pas, parce que pour moi, ça, c'est pas des choses... Je pense pas, non. Une ville... j'aime plein de villes, et en même temps... T'en aimes aucune. Et en même temps, c'est pas forcément là où j'ai envie de rester en permanence. J'aime la traverser, la ville, en fait. J'aime pas y rester. Tu aimes me parcourir, mais pas t'enraciner. Voilà. Si tu étais une langue... Je sais ce que j'avais répondu à peu près. Ah non, mais choisis aujourd'hui. Oui, oui, non, mais je sais parce que ça reste cohérent. Je pensais que je disais que je serais surtout pas la langue de bois ou un truc comme oui, ça. Oui, exactement. Voilà, oui. Ouais. Parce que j'ai pas de, en fait, je fais rarement ce genre de jeu-là, donc j'ai pas de... Pour moi, en fait, il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup, et après, j'ai pas forcément un truc précis parce que... Ça peut changer. C'est pas collé dans le... C'est pas figé dans le ciment. Mais j'ai tellement vécu avec plusieurs langues, avec plusieurs, que en fait, j'aime le français, j'aime l'arabe, j'aime le benga, j'aime le soussou, j'aime entendre les langues, j'aime entendre l'italien, j'aime entendre l'espagnol, j'aime en fait les langues différentes. Dès que j'entends parler quelqu'un, je veux comprendre comment il utilise sa bouche, comment il prononce, s'il est nasillard, s'il est dans la gorge, quelles sont les expressions, ou s'ils font comme nous en Afrique, s'ils font des en fait, j'observe tout le temps les gens, les mimiques, et j'essaye de voir ce qui nous ressemble, en quoi on se ressemble, mais tiens, on fait ça pareil, et pourtant on vient d'ailleurs. En fait, c'est ça qui me plaît, plus que de vouloir être, c'est justement toute cette différence-là, et ça me plaît de ne pas l'être, pour pouvoir découvrir. Si tu étais une époque, encore là. Donc l'époque, j'aime mon époque, je peux dire que mon époque, je peux répondre parce que je pense pas aimer le passé. Et le futur me fait, tout ce qui est du genre science-fiction m'inquiète. J'ai jamais aimé la science-fiction, donc tout ce qui est futur ne m'attire pas, et le passé... Projection sur la... Non, et le passé ne m'intéresse plus. Si tu étais un mot... Je sèche. Je sèche. Okay. Je suis mauvais joueur. Non, je sèche. Si tu étais un aliment. Ah, si, je un sais. Un aliment. Le mot merci. Ah, le mot merci. Voilà, c'était ça, le mot merci. Diane Dufresne, qui est une chanteuse québécoise, avait fait un album et elle l'a appelé Merci. Oui. Pour remercier son public. Voilà. Il y a une chanson dans l'album qui s'appelle Merci. Oui. Bruno Wally. Oui. Je l'ai entendu sur YouTube. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Si tu étais un aliment. Un aliment, alors ça, sans hésiter, c'est le piment. Pas de crème brûlée? Et le piment. Pas d'aliment, de crème brûlée, non. C'est, on va dire, c'est une épice. Oui. Mais il faut que je mette ça partout. Mais il y a des forces aussi, hein, au piment, il y a des... Ah, moi, il faut que ça, comme je dis, si ça arrache pas, je suis pas contente. Ah oui, ça... j'en doute pas. Non, mais parce qu'avec le piment... N'importe quel aliment qui est fadasse, tout de suite... Ah oui, tu le relèves. Ben voilà. Oh, il se réveille dans son pneu. Oh, il se réveille, le pauvre. Et parce sortir. Que quand on est arrivé, quand je suis arrivée en France, et beaucoup d'amis africains, on n'arrivait pas à manger la nourriture. Pour nous, c'était fade. Et donc, du coup, le piment, c'était notre sauveur, quoi, parce qu'on arrivait... Ça relevait n'importe quoi qui n'a pas de goût. Tu mets du piment, un peu de sel. Tu mets le piment dans un... Dans la bouche d'un mort, il va ressusciter. Ah, je te le dis, c'est fou. Il y a Kaidi et Navidio, Fiamme. opelea Kidiaka idie na video Viame opelea Unovi deja Unovi umuove Unovi deja Unovi umuove Te udu akite iboko Ihole opeli tonono Te udu akite iboko Ihole opeli tonono Itondo kondove Itondo kondove mauvaise. Non, si tu étais un moment de la journée. Je sèche à tout. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui. Oui. L'avant-dernière, parce que j'ai placé celle-là avant, mais si tu étais un autre individu? Non. Non, toi-même? Moi-même, je pense. Hein. Ben... Moi-même dans un autre individu, pourquoi pas, mais moi-même quand même, parce que ben, comment on peut dire ça? Parce qu'on expérimente tellement la vie qu'à travers soi-même qu'on ne peut pas espérer être quelqu'un d'autre, on ne sait pas où il a mis ses pieds. Ouais. Et, on ne sait pas dans quel trouble on peut s'embarquer. Voilà, et or tout ce que je peux vivre et qu'on m'a donné à vivre, j'étais en mesure de le vivre et de l'affronter ou de l'accueillir bien ou mal. Mais en tout cas, et je pense que quoi qu'il arrive, ou comme je dis, quand on sent qu'il n'y a plus de bien ou de mal et que des expériences, tout ça, ça te construit tellement et tu es tellement, au final tellement heureux. Même si sur le moment où on peut vivre des choses douloureuses, tu es tellement heureuse de te dire « Ouf, je ne me rendais pas compte que ça, en fait, c'était la porte pour arriver là et pour me permettre ça. » Heureusement. C'est vrai. Heureusement. Là, on est au mois de février 2023 et tu te situes ici et maintenant. Est-ce que tu es dans un mode de repos? Est-ce que tu es dans un mode d'arrêt pour pouvoir repartir cet été? Oui, un petit peu, mais je repars direct. J'ai quelques dates en mars et après je pars en Allemagne pendant un mois. En tournée? Oui. Combien de spectacles? 33 spectacles dans un festival. Dans un mois? Oui, on fait. Il y a 30 jours. Mais je crois qu'il y a des endroits où on va jouer deux fois, j'imagine. Si, mais t'as un tournoi? Non, en fait, c'est des gens. C'est un monsieur allemand qui s'appelle Servet. Je pense qu'il y a un festival d'accordéon. C'est quand? Comment? Au mois de mai? C'est du 17 avril, ou je crois, au 24 mai, ou un truc comme ça. Tu t'en vas en Allemagne faire 33 spectacles? Avec d'autres, hein. Oui, mais tu vas faire 33 spectacles. Oui. Avec d'autres, oui. Oui. Mais tu vas faire 4-5 chansons. Non, on fait chacun deux chansons. Mais c'est extraordinaire. Donc on fait 10 minutes et puis après chacun fait deux chansons et chacun accompagne l'autre sur une chanson. Donc en fait on fait trois chansons. Oui. Mais est-ce que ça t'excite? Ben, c'est un challenge, parce que comme, n'étant pas instrumentiste, je vais me retrouver avec des accordéonistes. Oui. Et mais... je me dis, bon, ben, il va falloir dépasser ça encore, et la vie te met ça devant toi. Comment tu vas vivre, comment tu vas arriver à t'en sortir là-dedans? Moi, c'est ce que je me dis. Faut que j'arrive à vivre ça, puisque c'est ce que je veux faire. Et ça se présente à moi, donc je me dis, c'est un cadeau. Mais c'est ça que j'allais dire, on t'offre des cadeaux. C'est le mot que je voulais employer. Ben, c'est tout le temps ça. Et je sais que je vais souffrir, parce que je suis la moins instrumentiste de tous les musiciens. Et après, ils me prennent parce que je suis claquettiste, parce que aussi je joue de la senza, c'est un tout. Ouais. Mais après, je vais me retrouver devant des virtuoses. Ouais, mais eux ne le sont pas, ils dansent pas la claquette, ils sont pas comme ça. Voilà, oui, ben c'est ça. Mais en fait, il faut trouver sa place dans tout ça. Mais ça reste quand même un festival d'accordéon, en fait. C'est pas un festival de claquettes. Non, mais tu vois. Et puis, eux vont apprendre de toi, toi, tu vas apprendre. Voilà, oui. Et je sais que c'est une souffrance, parce qu'on passe par des phases, je suis pas à la hauteur, ils sont meilleurs. Mais... voilà, on fait tout ce chemin-là. Et donc, en fait, ça fait partie du boulot et des intérêts que tu vas porter à ce genre de... Voilà, et puis c'est quand je dis que souvent, les cadeaux, ils arrivent, c'est toujours des cadeaux qui arrivent avec leur part de difficulté et de bonheur. Quelquefois, on peut appeler ça un cadeau empoisonné. Et on peut dire mais ça... Empoisonné, mais pas toxique. Empoisonné, il y a du très beau, mais il y a tous les cadeaux sont comme ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un cadeau qui explose là, de générosité. Il y a toujours beaucoup de travail là-dedans. Oui, et tout. Et déjà, tu as proposé ça, c'est extraordinaire. C'est super, mais même, est-ce que la vie, c'est un cadeau empoisonné? Oui. Ah, voilà. Partir de là, tout ce qu'on va vivre, tout est bien et mal aussi, ou tout est c'est expérience. Pour ça que, mais c'est pas toujours toxique. Non, c'est expérience. Pour moi, c'est l'expérience. Et c'est nous qui décidons de si ça devient un poison ou un venin, si c'est un venin qui nous empoisonne, ou un venin qu'on tourne en antidote. Mais est-ce que tu vas être avec des gens que tu connais? Non. Je crois qu'on est 5 ou 6 artistes, et on fait un concert tous les soirs, et une ville par soir. De 60 minutes, 2-3 chansons, tu accompagnes les autres, donc c'est sur scène avec des gens que tu connais pas, voilà, que tu vas proposer. Et ça tourne, voilà, c'est ça. Ah, c'est plaisant, c'est plaisant. Ouais. Et après ça, est-ce que tu vas te préparer à faire un spectacle pour une tournée estivale? Ben déjà, je suis assez focus là-dessus. Ben oui. J'attends qu'ils m'envoient les musiques, que je puisse les travailler. Okay, les ben j'espère, oui. Alors, ils vont t'envoyer des chansons. Les chansons des autres musiciens avec que je dois accompagner, ne lisant pas la musique. Donc moi, je leur ai dit, il faut me les envoyer en avance, que je puisse écouter. Et c'est pas en français, souvent? Ben non, ça c'est moi, c'est l'accordéon, j'accompagne à l'accordéon. Okay. Mais eux, pareil, ils vont m'accompagner. Je pense qu'il y a une française aussi. Et sinon, les autres artistes, je pense qu'il y a allemand et après d'autres pays encore. Hey, j'ai pas bien regardé. Imagine-toi les collaborations que tu peux faire aussi. C'est toute la... Les gens que tu vas rencontrer qui vont pouvoir t'aider peut-être dans tes futurs... Peut-être. Après, c'est pas le projet. Non. C'est l'idée, c'est vraiment de vivre cette aventure et de voir jusqu'où ça peut m'amener. Qu'est-ce que ça peut m'amener à dépasser encore et me rencontrer. En fait, c'est ça, les aventures. C'est tu vas à ta rencontre dans cette situation. Comment je vais être? Je me mets en danger, là, en fait, parce que je sors de ma zone de confort. Mais la vie est un danger. Voilà. Et là, ça va être moi qui vais aller dedans pour me rencontrer. Donc, c'est ton gros projet? S'il y a ça que j'ai en tête, oui. Oui. Que j'aimerais, pour qui ça peut être évident, pour d'autres un accordéoniste instrumentiste, mais moi je me dis, waouh, comment je vais traverser ça. Quel beau contrat, quel beau cadeau. Ouais. Ah ben écoute, puis éventuellement cet été c'est bien sûr des tournées, des festivals comme d'habitude. Oui. Donc tu veux prendre un repos de ton retour dans l'année. Mais là je fais déjà un festival au mois de mars, il y a des festivals au mois de mars dans le sud là. Avant de partir en Allemagne. Voilà, je vais aussi faire... J'ai repris cette année, en fait, c'est un hasard, on m'a appelé pour donner des cours de claquettes. Donc je fais aussi des ateliers avec des femmes, c'est ce que je faisais avant de faire de la musique, des ateliers rythmique où soit j'arrive, des groupes vocaux ont des chansons et moi je les aide à placer tout ça en rythme parce que c'est mon travail de danseur de claquettes et de percus corporels et tout ça, je les mets en rythme, qu'elles arrivent à se déplacer et faire un peu de rythme tout en chantant. Donc ça, je fais des ateliers comme ça avec les enfants aussi. J'ai quelques petits ateliers, des concerts donc à Béziers, dans le Gers. Et alors, à Amiens avant de partir, ouais. En plus, c'est pas Paris, donc tu vas là, puis tu restes là quelques temps. Oui, et le 18, je joue à la Belle Maison, à Gallieni, le 18 février, là, en coplateau avec un artiste, avec Biroy, un artiste qui s'appelle Biroy, un accordéoniste chanteur, et un artiste qui s'appelle Mister. Ok. Voilà. Ah, c'est qui fait de la musique du monde aussi. Hey, c'est merveilleux. Voilà. Alors, il y a toujours des choses pour toi. Oui. Mais tu es aussi intermittente depuis combien d'années J'ai été intermittente, après je ne l'ai plus été, puis là je le resuis. Je le suis. Aussi, je le suis. J'ai été intermittente, ça fait longtemps que je suis intermittente. Après, j'ai fait un enfant, j'ai arrêté. J'ai été plus enseignante. Après, je suis revenue dans l'intermittence. Et là, depuis, j'y suis, mais je ne sais même plus depuis. Mais là, ton temps est fait. Je veux dire, t'as fait du souci. Est-ce que j'ai assez de. Ça dépend des fois. Il y a des fois, c'est juste parce que. Oui, mais là, en Allemagne, tu vas faire du. Donc ça, des fois c'est très très juste et on serre les dents pour revivre. Mais ça aussi c'est un stress, hein? Oui, quand on a décidé, mais moi j'ai décidé que tout ce qui me stresse... Tu évacues. J'évacue et puis je trouve une solution. Ouais. Je trouve une solution plutôt que stresser. C'est vrai. Je préfère trouver une solution que de me dire je vais pas voir, je vais les avoir. Comment c'est ça la question. Ouais. Mm-hmm. Merci d'être revenu. Mais merci à toi. Et en fait, ça a très bien fonctionné. Oui. Tout est merveilleux, c'était bon, la discussion était sublime. On a parlé de vie, on a parlé de création, on a parlé de l'existence. C'est ça. Et ben écoute, à la voilure et écoute, merde pour l'Allemagne. Ok. Hein? Ouais. Les Allemands t'attendent. Ok. Tournez-vous. Salut. Oui. Ben merci, grand merci. Ça me fait plaisir. Dès qu'ils voient quelque chose, ils veulent le posséder, le coloniser, l'apprivoiser, le dresser, le dompter. Ils se battent pour de l'argent, ils perdent leur temps à collectionner des objets. Moi, je n'ai rien et ça me va bien. Moi je n'ai rien et je laisse faire le destin. On n'a jamais vu un objet aimer un humain. Non, non. Pourquoi les hommes sont-ils toujours pressés? Ils courent et ne s'arrêtent jamais. Ils se bousculent pour arriver les premiers. Ils perdent leur temps à ne plus en avoir. Le temps n'est pas l'argent, oh. Le temps, c'est la vie. Moi, j'ai le temps et ça me va bien. Moi, j'ai le temps et je laisse faire le destin. On n'a jamais vu un billet rembourser le temps perdu. Non, non. La seule chose que je sais, c'est qu'au bout du grand chemin, les yeux tournés vers le ciel, j'avancerai tranquille. Et si une sirène, une licorne ou un elfe m'accompagne sur le chemin, eh ben ça m'ira bien. Et si une sirène, une licorne ou un elfe m'accompagne sur le chemin, eh ben ça m'ira bien. Ça m'ira bien. Ça m'ira bien. Chers amis, si si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.